fait. L'alternative urbaine. Je suis bien, on a besoin de toi-même. Paul Sarrazin, à 70% ou au moins 40% de plus que la plupart des notes que j'ai eues à l'école. J'ai pas vraiment passé, mais 70%, j'aurais été content d'avoir ça. Évasion puis une invasion. Oui, c'est une petite anecdote comme ça que je voulais partager. Je me suis ramassée au Tim Hortons ben trop de bonheur, ben trop tard, une couple de jours, là, je sais pas, 5-6 heures du matin. Puis là, je mangeais mon petit sandwich, puis là, il y a un monsieur en avant de moi qui parlait tout seul. Et je vous cite. Oui, j'ai pris des notes. Sur le terrain, je n'ai peur de rien. Ouvrez les guillemets. Vous avez pas lu la meilleure dans le journal? Tiger Woods poursuit sa main droite pour harcèlement sexuel. Là, petit, il parle aux serveuses, il regarde dans le miroir. C'est pas croyable, faut que je lâche la tête. Pas de danger, j'ai mangé pas du fromage hier. Encore une fois, ça retourne dans la vitre, il se fouille un peu dans l'oreille, là, ça dure longtemps. Après, il dit, il y en a un qui est prêt à prendre son feu, ça sent le calice, c'est ça? C'est une bonne niche! Ah non, c'était pas mal drôle, il a impressionné tout le Tim Hortons. Ah, je pouvais pas, ça, je peux pas rester seul avec ça. Ben oui, c'est mon ami Samy. Hello. Samy. Bon, je pense que c'est l'histoire de taverne de Schreiber, qui est mis en commun. Puis là, ben, l'autre jour, Samy a sorti un livre de recueil. Puis là, c'est ça, pour aujourd'hui, un peu de ton affaire. Un livre en dessous, c'était recueil de. Que j'avais parlé dans la presse. On approuve. Mais tu sais, on est aussi dans le Nightlife, puis dans le Bang Bang. Dans le Nightlife, mon flash. C'est bon, parce que moi, cheval dehors quand on va fumer des pieds, mais je ne suis pas nécessairement toutes les trucs. Non, au moins tu me suis. Oui? Pourquoi tu dis ça? Puis c'est ça? C'est drôle ça, parce que je m'en suis trouvé avec mon frère interviewé pour la voir pour le même sujet. Je m'en fous des hipsters. C'est quoi un hipster? Je travaille au. Ben, quand tu travailles en iPad, tu sois un peu hipster. C'est pas négativement, parce que j'aime quand même un petit monde bien. Hamster, c'est comme un jambon. Hamster. Hipster, c'est une hanche. C'est pas la même chose, c'est pas la même région. Ok, ben, une question, une question. Ok, dans ton livre, tu prends chamanisme sur les tours québécois. C'est pas mal, j'aime ça. Puis, tu as la nouvelle idée de l'Auto-Québec de mettre casino en ligne accessible à tous. De la semaine prochaine. Ben, mettons que je suis pas un grand fan de ce Québec, ça me tient de studier, fait que c'est sûr que n'importe quelle idée qui vont sortir, je vais être contre. Sauf ce que j'aimais par contre, c'est les gratteux avec la face de Yves Corbeil, c'était génial. Oui. Il y avait Charles Lecombe, là aussi, il est salé. Oh! La cause du film. Quand tu vois un zombie au bout du bord sur sa machine, c'est sûr que c'est pas très, la plus belle vue du monde quand tu peux avoir une fille comme Evelyne à côté de toi, au bord qui est pactée et qui se remue les moments sans arrêt. Mais c'est pas bon dire. Non, je déteste l'Auto-Québec qui n'a aucun autre intérêt autre que faire des. C'est ainsi. Le barfly. On l'a rendu. Un excellent produit. Ça devait être excellent quand c'est encore fumeur, cette place. On est pour compenser l'odeur des deux chiens du propriétaire qui sont là. C'est ça. Là, Sonny, tu joues aussi dans les Blast Feeders, ça fait longtemps. Oui, oui. Là, c'était comment, les Olympiques? Ben, c'était parfait, il faisait beau, on avait un super hôtel, c'était payé par les Olympiques, puis la ville était splendide, sauf qu'il y avait des jocks, puis des orthos à tous les coins, en grande quantité, fait que c'était assez traumatisant. Oui, pendant notre spectacle, en fait, les gens y attendaient. Il y a une bonne partie, il y avait une couple de milliers de personnes, parce que c'était des grosses scènes. Puis après nous autres, il y avait le DJ Dead Mouse, qui était un gars. Puis. Sur le lot, il y a une couple de personnes qui étaient en avant de la scène, qui attendaient le DJ Dead Mouse en question. Puis, à un moment donné, ils sont allés, ils sont mis à nous lancer des on savait des cents, des piastres, des 25 sous, puis et aussi des bouteilles vides. Puis à un moment donné, vers la fin, c'est devenu des bouteilles avec un. Ben, c'est des bouteilles en plastique. Et après, c'est devenu avec, oui, avec un peu de liquide dedans. Puis finalement, le premier qu'on a attrapé, c'est de. D'en face. Salut, Luc, et ton œil au bord noir. C'est un peu de la marque. Ouais, le premier qui attrape un bus. Ouais. On t'a payé pour assister à une compétition. Non, mais on a rencontré André Waters qui était dans le même bloc que nous autres. Je sais pas. Non, pas tant que ça. Je suis pas d'accord avec toi, Andy. Thank you. dernier client, c'était une spéciale. Ouais. T'imagines pas ce que ça va être spécial. Et pourtant, j'en ai eu des clients maintenant. Mais ce gars-là, c'est pas un type ordinaire. Ah oui, mais tout. Qu'est-ce qu'il va penser encore pour nous? Maintenant, nous voulons un client pour payer mon loyer. Moi, je connais ça. Tiens, on va pour toi. Je vais monter. Carré, c'est normal, c'est ah, avec 50, pour bon, 75, je te reproche. N'oublie pas le spécial. Ouais. C'est combien ça? Bon, ça te passe 100, mais avec ça, je te prends ce qu'il y a. Alors. Ok. À tout à l'heure. Quel beau sentiment. Les amoureux posent les bombes de la cité, attaquent le corps et capent les dents. Ce serait l'art de parler toujours un peu avec l'absurdité. Essayer d'aller avec en fond ce qui nous fait du bien. Thank you. blonde me fait des hamburgers. Des hot dogs, des moutardes. Avec un grand verre de liqueur. Un petit bébé qui est ma drame. La soirée regarde la télévision. Il y a des gros vélos dans sa vie. Et son enfant dans le jeu. Ma blonde me fait des hamburgers. Des hamburgers, des chocolats. Avec un grand verre de liqueur. Un petit bébé qui est prêt à faire. La fin de semaine, moi je l'appelle au bingo. Mais 492. Thank you. Parce que le titre complet, c'est qu'il y a deux femmes perd son âme. Salle de culture, fait que je faisais de l'insomnie profonde à ce moment-là, puis que le chef d'orchestre du pianiste. Ouais, fait qu'il fallait choisir des 15 secondes pour se répéter en boucle pendant que les gagnants allaient chercher leur prix. Fait que il y avait une des tours de Malajus, bien sûr, qui avait gagné plusieurs prix. Fait que j'avais découpé un bout, puis j'essayais de m'endormir, pendant 5 heures, j'entendais. Je me réveillais dans le matin avec le truc que j'avais dormi, j'entendais dans ma tête encore. Fait que là, c'était pas très bon, ma santé. C'était super parfait. déficiente. C'est Suzy qui est en train de faire un pâté. Je vais vous retrouver dans une coupe de beurre. J'étais au cheval blanc, puis j'ai croisé l'éditeur en question, puis il m'a demandé si je voulais publier chez lui. Là, tout commence. As-tu édité aussi les autres travaux? Oui, j'aimerais ça. C'est une question de Maxime Georges. Maxime Georges. C'est quoi ton livre? C'est mon meilleur ami. Je suis dans le bain. Québec et l'énergie du Québec. Je vous conseille fortement d'aller signer ça jusqu'au 11 mars 2010. Il faut faire passer ce système. Ils vont faire abandonner l'achat de la centrale. Il faut démanteler les centrales gentilles 2, imposer un moratoire sur toutes les l'exploitation, de l'exploitation minière de manière mondiale. Puis aussi, ça va permettre de développer une expertise en déplacement du Québec qui est utilisé dans le domaine technologique de la politique. Puis, pourquoi je parle de ça? Parce que souvent, les gros problèmes sont en cours de politique. Quand je pensais à moi, à Chums, c'est pas venu comme ça que ça va être. Jérémy, tu vas faire de l'alcool plus tard, est-ce que tu j'espérais, est-ce que tu tombes en bas du stage? Si quelqu'un est à l'écoute, ben ça me surprendrait parce que si ça vient pas de lui, ça calisse. Donc j'aurais juste ça à vous dire. Vaut mieux se taire et avoir l'air imbécile que de chanter et de le prouver. Passons à un sujet intéressant. Non, mais pas loin. Y'a-t-il quelqu'un qui m'explique, est-ce que c'est quoi le deal avec la calisse d'étoile dans la face d'Antoine de Graton? Si tu forces toi, hein, pas mal, là, tout proche, ton astuce d'étoile, t'as pas écouté de Bernard Burry, là. Mais attends, c'est qu'est-ce que tu dis là, c'est pas un sujet intéressant, ça. Il y a le conseil des gays et lesbiennes qui apporte plainte contre l'animateur sportif Claude Maillot et l'analyste André Goldberg. Parce qu'on dit que le patineur artistique John Weir avait arrivé dans son costume de tapette pour compagnie de gestion de l'animateur. Chris, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ils ont fait des excuses publiques à ce moment-là, mais pas de l'air. Parce que tu n'as pas de problème de tapette au Québec, à 5 tours, c'est là qu'il y a l'arrivée! C'est ça qui est gay! C'est comme si la parole de fierté gay n'est pas ouverte, puis pendant que tu te sens tout postulé comme les astuces d'Éric Salvain, on nous donnait des tickets sur toi comme du cœur en gay. Quand c'est ça, on vous a donné le droit de mourir, Chris, mais laisse-moi te plaisir de rire dans vos articles sexuels, oui, là. Le patinage artistique, c'est fucking gay. Puis le temps pas que je fasse vos excuses publiques, mais tu vas attendre mon festival. Mais oui, c'est la mort dans ton mot 10, faire des excuses publiques. Là, il faut mieux, tu sais, grader voir, là, comme une aimante. Tapé Tiger Woods qui vient faire la même chose. Là. Un astuce d'arnaque publicitaire. Je vous mets dans le contexte. Tiger Woods. pauvre a trompé sa femme avec plein de grâces. Fait que vraiment, ça fait un été à faire le droit parce que le monde, c'est au calme, tu sais. Pour parler comme un bon gars, c'est l'argent à monter une grosse cérémonie d'excuses dans laquelle il pleure et se fait prendre le bras, dans les bras de sa mère, pardon, pour les problématiques, tu sais. Il vous fait croire qu'il va s'avoir un désintox sexuel. C'est une démocratie, là. C'est pas parce qu'il se trompe ta langue qui fait un désintox sexuel, là, que c'est ça. Vous, si c'est la manière de l'autre de faire vos frères communistes, est-ce que vous vous enseignez de politiciens à merde? Et premier page journal de Montréal, ça me dit, non, va chier. Ça me met à vous comme un mec qui se croit de même. Mais tu sais ce qu'on dit, hein? Le parlement passe, le tigre à main. C'est vraiment une fois du frère de cette semaine. On écoute. Je ne sais pas pourquoi on est tout bien correct, comme on dit, là, mais je vais te montrer des images de Johnny Weir. J'aime beaucoup le personnage. Johnny Weir crée une situation pour tout le monde accroche en disant oh, le personnage artistique, c'est du costume. Moi, j'aime pas ça. Est-ce que tu crois qu'il a perdu des points à cause de son costume et de sa gestuelle ou ça l'a pas en ligne de compte? Il n'a pas de points à cause de son costume. Il s'est fait remarquer, il s'est fait ça, c'est très ennuyeux parce qu'on pense que tous les garçons qui patinent vont devenir comme lui. Alors, c'est un très mauvais exemple, mais il a le droit. Pourquoi il y a des garçons comme ça, il y a des garçons comme ça. Exactement. Je pense que le patinage est féminisant, alors que c'est absolument pas ça. Il y a de tout dans le monde et il y a de tout sur la glace. Et pour c'est le reflet de la société. Et Alain, pour être juste, quand on a fait grand état l'été de la coureuse d'Afrique du Sud en disant peut-être que c'est un homme, alors, peut-être que c'est pas une femme, etc. Moi, j'aimerais ça qu'il passe ce test-là. On pourrait lui faire passer tout à fait. On devrait lui faire passer un test de féminité à ce moment-là. Mais c'est un masculinité. Ben non, mais tu sais, ah, mais je le sais. Il a fait ça pour vous aider, les commentateurs, à prévoir ce qui va arriver avec Joanie Rochette et les autres, parce qu'il devrait peut-être approuver de ça. Je trouve qu'on tombe dans les stéréotypes quand on voit un gars comme ça. Ben, ça importe. Je voulais vous dire que vraiment, c'est pas l'image du patinage que moi j'aime, mais j'admire quand même le patineur qu'il est. Il, il n'en est pas moins un athlète et un sportif, mais avec une particularité qui s'exprime de façon hors de l'ordinaire. Je l'ai dit, je sais que je pourrais être politique correct, mais quand même. Pas du tout, c'est ce que tout le monde pense. Alors, on le dit à voix basse, maintenant on le dit un peu à voix haute. Mais c'est tout. Mais au moins, pour la réponse à la voix de toi, in the garden close to the house is a sun flower that I planted not far from the steps. Well, in the sun, sunny, it seems happy. My sunflower, it looks for the sun, but it is not afraid to make itself cook by the sun while me right in the sun skin I turned red. The last summer, I often had the sun on me. I came the face redder by wind. J'arrachais mes pointes et puis d'un coup, caresse le bassin, j'arrachais en tirant dessus. Ou caresse-t-il ma veille? Et puis, and then, je me ramassais avec des I have been obliged de présenter avec une sudden du coup, to put me up the solar cream. But it, my sunflower, it doesn't make itself a bit hit the sun. It is never, never too warm for it. The sun of time ago, then right in the sun, I envy it, my sunflower. And the other day, I looked at it to swing in wind. L'eau, je la mettais assez chaude, juste assez pour ne pas me brûler dedans. Je jetais dans l'eau de l'acide borique. Une petite poudre blanche qui servait à désinfecter l'eau. It is with you, my heart, that I want to live. It is with you, my heart, the big blow of art. The big blow of art, of open heart, that I want to be, to be with you, my heart, full of love. I want to be full of love. Of the universal love. Of the universal love. Of the love. That is going, everywhere, of the sincere and true love, and with you, my heart, I want to live with you, my heart, to open heart, with you, my heart. I want to give the love with you, my heart. My heart. Il y a des fois que je suis gazée. Of the love. J'essaie de le cacher. Far away. Of the love. In all. The universe, of the love, full of love, my heart, full of love, my heart. I feel it. My heart. Full of love. To share. A way to share. Far away. Rangez pas vos ordres. Ah, c'est ça, c'est la table. Si vous voulez passer un bon moment, une seule émission. 70%. son texte, ça va être fabuleux, l'excellent maniaque. Après le meurtre du jeune couple hier soir à Verrazano Bridge, le chef de la police de New York, Paul Delaney, a affecté plusieurs équipes spéciales de détectives pour rechercher le groupe sanguinaire qui a déjà fait 5 victimes. Avec les mutilations commises sur les corps, laisserait à penser qu'un seul et même homme soit responsable de ces crimes. Les témoins et les indices sont actuellement insuffisants pour la progression de l'enquête. Aujourd'hui, à New York, sont rassemblés les membres du c'est peut-être, comment dire, thank you. Participez à la soirée photo-boucan du mercredi 17 février de 20h au Grenoir. Encouragez la relève ukrainienne en photographie. Votez pour vos photos préférées dans les catégories paysage, portrait et technique. Les photos gagnantes de chaque catégorie feront partie d'une exposition à l'UQAM en avril prochain. Sur place, projection, animation et autres surprises. Photo-boucan le 17 février de 20h au Grenoir, situé dans le pavillon Aten de Moutou-Boucan. Soyez de la fête! Ouvert à tous.